Chapitre 13 Mémoire des opérations de l'esprit. Et il me souvient de toutes ces notions. Et il me souvient comment je les ai obtenues. Et il me souvient de tous les faux raisonnements élevés contre elles. Et le souvenir de ces erreurs est vrai. Et le discernement que j'ai fait du faux et du vrai sur ces points controversés est présent à mon souvenir. Et je vois encore qu'il faut faire différence entre ce discernement actuel et le souvenir de ce même discernement, souvent réitéré dans les opérations de ma pensée. Il me souvient donc d'avoir exercé souvent cet acte d'intelligence. Et ce discernement actuel, cette intellection d'aujourd'hui, je les sers dans ma mémoire pour me les rappeler à l'avenir, tel qu'à cette heure je les conçois. J'ai donc souvenir de m'être souvenu. Et c'est encore par la force de ma mémoire que je me souviendrai de mon présent ressouvenir.